J'ai quitté la ville en mois de mai, la ville, le musée pour respirer la grande ville au passé révolutionnaire. De nature solitaire, je me suis-tu pour me taire, pour traverser les chemins de traverse, au sens propre comme au sens figuré, avec ma guitare en bandoulière. Laï, laï, laï, laï, laï, laï, laï, laï, laï. Tendre les bras à ce qui s'offre à soi, nature solitaire, je suis du potaire, et marcher sur les chemins de traverse, la guitare. Pour essayer de comprendre le monde et voir la poésie poindre dans la marche des paysages, à portée des yeux, réconforté du sentiment que je trouvais, j'ai poursuivi la route. J'ai quitté la ville un mois de mai, la ville musée pour respirer la grande ville au passé révolutionnaire. De nature solitaire, je me suis tu pour me taire, histoire d'écrire dans le cœur des aspirales des mots de mon âme, des mots bleus, des mots tendres et durs comme la roche, des mots dans l'instant, des mots pour signaler ma présence. Laï, laï, laï, laï, laï, laï, laï, laï, laï, laï, laï, laï, laï, laï, laï, laï, laï, laï, laï, laï, laï, laï, laï, laï, laï, laï, laï, laï, laï, laï, laï, laï, laï, laï, laï, laï, laï, laï, laï, laï, laï, laï, laï, laï, laï, laï, laï, laï, laï, laï, laï, laï, laï, laï, laï, laï, laï, laï, laï, laï, laï, laï, laï, laï, laï, laï, laï, laï, laï, laï, laï, laï, laï, laï, laï, laï, laï, laï, laï, laï, laï, laï, laï, laï, laï, laï, laï, laï, laï, laï, laï, laï, laï, laï, laï, laï, laï, laï, laï, laï, laï, laï, laï, laï, laï, laï, laï, laï, laï, laï, laï, laï, laï, laï, laï, laï, laï, laï, laï, laï, laï, laï, laï, laï, laï, laï, laï, laï, laï,